Alors nous allons tous glorifier nos mamans parce que ce sont celles-là qui nous ont mis au monde et parce que ce sont celles-là qui nous ont appris notre premier geste de la vie. Merci.